Je me tourne vers vous, Dario Galizia, après ce petit sampling, pour vous demander, de manière très générale, en tant que musicien, comment est-ce que on arrive à faire de la musique, enfin, comment est-ce que votre parcours vous a amené à faire de la musique pour le jeu? D'accord. Alors, ben, moi, j'ai une question qui est redoutablement simple, enfin, une réponse redoutablement simple. C'est, il y a deux choses qui me plaisent particulièrement depuis que je... Puis que j'existe, c'est la musique et les jeux vidéo. Donc, ça s'est imposé à moi que si je pouvais faire quelque chose qui touchait aux deux en même temps, ce serait un idéal, certain. Et j'ai d'abord... Enfin, j'ai toujours été un joueur et j'ai toujours tendu l'oreille lorsque je jouais, que ce soit dans l'environnement sonore, dans les musiques, tout ce que les thèmes peuvent nous faire ressentir, toute la symbolique et aussi ensuite les sources qui sont puisées dans toutes sortes de cultures musicales et réexploitées dans toutes sortes d'horizons. Juste pour vous, le jeu, au-delà des éléments originaux et particuliers que ça apporte, on en parlera sans doute plus tard, mais le fait de composer de la musique pour l'interaction est quelque chose de fondamental par rapport à d'autres formes musicales, mais pour vous, au-delà de ça, le jeu, c'est une grande machine à remixer, retravailler et citer? Pas que non, il y a le moyen de faire des choses tout à fait innovantes et je pense que la musique est là pour servir le jeu. Et c'est dans ce rôle-là et dans cette position-là que pour moi, elle est presque la plus noble en un sens. C'est-à-dire qu'elle sert vraiment quelque chose qui la dépasse simplement de son stade sonore. Il va vraiment illustrer, démontrer, faire ressentir des choses à l'intérieur d'un jeu, que ce soit dans quelque chose de plus émotionnel ou plus arcade. Et c'est tout de suite ce qui va prendre le joueur. Moi, c'est tout de suite ce qui m'a saisi en tant que joueur. Donc, de la même manière que Marion Bareil décrivait les indications, les desiderata qu'elle communique au compositeur avec lequel elle travaille, vous calquez vraiment le plus possible votre musique au projet du jeu. C'est ça, et je vais faire différentes itérations à partir de certaines influences, en réfléchissant aussi aux indications qui me sont données au sein de l'équipe. Maintenant, ça arrive aussi que d'une idée musicale, une idée de gameplay émerge. Donc, c'est-à-dire que c'est interdépendant, mais c'est pas forcément unilatéral. Ça va un peu dans les deux sens. Là, on vous arrête. Vous faites une proposition musicale et ça donne une idée pour changer le jeu lui-même, sa nature. C'est ça, exactement. Vous avez un exemple? Mais d'une idée aussi simple que pour le Portowaga, le dernier jeu sur lequel j'ai travaillé, il y avait un rayon qu'on a utilisé qui sert à éliminer des créatures qui apparaissent à l'écran. Et une créature ne réagissait pas assez fortement quand elle se prenait le rayon par rapport à l'effet sonore qu'on avait prévu. Et je me suis dit, c'est dommage, j'aimerais quelque chose qui tape un peu plus. Et en ayant le son qui est devenu tellement fort emblématiquement, il a ensuite influencé une dynamique déjà visuelle, c'est-à-dire qu'on a repensé l'animation du choc du rayon, et ensuite de gameplay, on s'est dit, ah, ce serait cool si on ajoute cette particularité à ce personnage, à cette créature, et tout ça à partir d'une suggestion simplement de, tiens, ça tape pas assez, est-ce qu'on peut pas faire un truc avec ça? On écoute tout de suite la bande-son de Towaga. Thank you. coda de cette musique très cinématographique, pardon, pour ce jeu récemment paru du studio Sunnyside Games, un jeu mobile qui s'appelle Towaga, je savais bien presque que j'allais me planter. Et vous posez quand même du coup à tous la question, on avait l'impression là sur ces dernières notes de voir quelque chose qu'on aurait pu entendre au cinéma. Est-ce que la musique de film est une inspiration importante pour les compositeurs de jeux? Oui, enfin, de toute façon, je pense que quand on a un médium de référence comme le cinéma et que le jeu vidéo commence à émerger sur un plan de se caler sur le cinéma pour ses phases narratives, on voit un Uncharted 4, c'est d'une beauté renversante. Enfin, donc des jeux qui soit par leur rendu, soit par parfois les scènes qu'ils proposent aux joueurs entre les phases d'action, qui s'inspirent beaucoup du cinéma, de sa grammaire et vous le disiez vraiment de son image. Ouais, mais ça exige une illustration pratiquement similaire en fait. Mmh. Ça exige de monter au même niveau et on peut plus se contenter de son 8 bits sur tous les jeux alors qu'ils sont visuellement bluffants, c'est plus jouable. Et puis quel matériel vous avez employé pour écrire cette partition? Alors, c'est amusant que vous disiez écrire la partition, parce que moi je fais partie de ces, on va dire, néo-compositeurs un peu post-solfège qui ont des bases, mais qui ensuite, dû au langage informatique, ont un peu perdu le sens de tout ce que cette grammaire-là avait. Bon, c'était néanmoins très arrangé, hein. Bien sûr, c'est très arrangé, mais c'est surtout sur une sensibilité, une écoute, et sans vraiment suivre des canons à part des inspirations ponctuelles. Donc, je dirais que c'est un peu un mélange d'influence et de freestyle, si j'ose dire. Et si une harpe allait bien là? Et si un violon en pizzicato sortait bien à ce moment-là? Instrument qu'à nouveau vous mobilisez par le biais d'un ordinateur. Alors, tout ce que vous avez pu entendre dans la bande originale avant, effectivement, c'est des banques sonores sur ordinateur utilisées par le biais de samplers. Donc, c'est des instruments qui sont enregistrés note par note à différentes vélocités, plus dans certains cas leur transition, plus, enfin voilà, de quoi rendre aussi réaliste que possible des instruments d'orchestre. Et pour des raisons de temps, d'argent, de moyens et puis de deadline, je suis un peu contraint de passer par ce biais-là à mon échelle en tout cas. Ouais. On entendait là donc un titre avec un début, un milieu et une fin, enfin il y avait vraiment une grande progression. Mais quand je joue à ce jeu, est-ce que on me propose finalement une partition qui suit mon action? Exactement, c'est-à-dire que... Et comment est-ce que du coup vous devez prévoir la musique pour ça? Alors, dans le design de Towaga, on s'est dit chaque niveau aura 3 degrés d'intensité. Pour ces 3 degrés d'intensité, il faut 3 musiques différentes, mais qui sont sur le même canevas d'origine. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours composé la piste du milieu, puis j'en ai fait une version allégée et une version plus assourdissante, plus vrombissante, on va dire. Et le but est de le faire transiter pendant le jeu, au fur et à mesure des événements sur l'écran. Plus il y a d'adversaires, plus il y a de danger, plus le danger level, comme on l'appelait pendant la programmation, augmente, plus la musique devra aller de pair avec ce qui se passe à l'écran et ça réagit en conséquence. Mais donc on a quand même des blocs, entre guillemets, d'une certaine durée. On coupe pas à l'intérieur d'une mesure. Non, en fait, les trois blocs tournent en même temps et on fait juste un croisement, un crossfade, comme on dit. Donc on passe d'une piste à une autre dynamiquement, selon le niveau qui est rafraîchi à une certaine fréquence. C'est-à-dire que toutes les X secondes, le jeu va interpréter le niveau du danger et se ajuster sur la musique qui est calibrée en conséquence. Ouais. Je passe la parole à Ivor, qui lui est sorti du monde du jeu et qui s'est perdu dans tous les produits dérivés qui découlent, qui entourent la musique de jeux vidéo, mais qui là-dedans a quand même trouvé de la musique. Alors oui, quand même. Par ça, j'étais juste fasciné. Et puis les produits dérivés, vous, j'imagine que vous y avez déjà pensé. J'imagine, parce que la plus-value peut être tout simplement énorme. Et puis, on a bien entendu. Là, je résume parce que je suis pas vraiment du monde du jeu. Je vous écoute. Je suis passionné. Alors un jeu pour moi, c'est une histoire, un scénario, une intrigue auquel on participe. Donc des décors, des personnages, de la musique, tout ça a été dit. Un environnement sonore qui nous accompagne dans nos labyrinthes ludiques et qui sont passionnants. Donc ça fait de l'émotion. Donc le temps qu'on investit dans cet univers, très bien construit, crée une intimité avec le jeu. Ça, c'est mon point de vue de joueur. Et comme notre cerveau aime la répétition et l'évocation, et si on peut retrouver dans notre monde pas du tout virtuel des éléments de ces mondes très virtuels, bingo, il y a des œuvres à créer. c'est logique. Ou alors on dit des produits à dériver. Ça, c'est ce que j'ai pu voir. Ça va du t-shirt au personnage de jeu imprimé sur des fiches en carton, toutes des choses comme ça. On passe par les réseaux sociaux aussi, naturellement, parce que les jeux et les émotions qui vont avec, ça se partage avec les autres. C'est normal, encore une fois. Il y aura donc aspiration de la musique aussi dans les réseaux sociaux. Et les personnages de jeu finiront dans des dessins animés, des mangas, des bandes dessinées, des séries TV, sans oublier le festival Polymanga qui a eu lieu à Montreux, c'était il y a quelques semaines, et chaque année, ça faisait 42 000 visiteurs en 2017, c'est quand même pas mal. Ce qui fait du monde. Ah bah oui, et la musique ne nous quitte jamais dans tout ça. Les éditeurs sortent des disques avec les musiques des jeux, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'ils éditent depuis bien longtemps, c'est pas du tout nouveau. Et comme les joueurs ont de plus en plus l'habitude de partager leurs performances sur YouTube, eh bien, la musique, là, ils accompagnent encore une fois. Et le répertoire des musiques de jeux vidéo, en fin de compte, c'est comme le répertoire des musiques de comédie musicale ou des musiques de films. Une histoire, des émotions, la musique en toile de fond. Et les arrangeurs se sont donc intéressés à cette musique parce qu'en fin de compte, c'est une nouvelle source de mélodie, d'ambiance pour la transposer à d'autres contextes avec des orchestres conséquents, genre classique, symphonique, comme l'orchestre des jeux vidéo de Montréal, par exemple, avec des concerts en streaming, en direct, aussi sur Facebook, dans les salles de concert et tout le team, le chef Jonathan Dagenet et ses musiciens sont tous passionnés de jeux vidéo et des musiciens accomplis, vous vous en doutez, un orchestre qui existe depuis 2008. Et puis voilà que le Symphonique de Londres sort des compilations de musique de jeux vidéo. Il faut dire que eux, ce sont l'orchestre le plus demandé pour ce genre d'enregistrement quand on a les moyens de se payer un orchestre, bien évidemment. Mm-hmm. Et puis j'ai aussi découvert que l'on peut même aller jouer en salle de concert son jeu favori avec un orchestre en chair et en os qui jouera la musique simultanément avec vos performances sur grand écran. C'est pas mal. Le grand luxe. Oh. Eh oui, ça se fait. Bon, on va finir en musique. Moi, je vous ai choisi un petit extrait de concert donné au Symphony Hall de Boston. C'était le 7 octobre 2012. C'est pas tout récent, mais c'est un orchestre qui cumule symphonique, ensemble de rock, avec section rythmique bien sûr, et un chœur. Donc c'est un peu le top pour faire grandiose, et ils appellent ça un rockestra, et ils arrangent la musique comme ils l'entendent, et une invitée, la chanteuse Ingrid Jardès. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart. But you're so, so free. I give my life, not for honor, but for On ne sait pas si son nom est Bond, James Bond, mais en tout cas, c'est incroyablement cinématographique. Qu'est-ce qu'on entendait, Yvan? Alors, c'est la chanson Snake Eater, qui est une des mélodies qui appartient au, qui fait partie du jeu Metal Gear Solid numéro 3, parce qu'après, il y en a encore le 4, le 5 et le 6, j'ai pu voir. Et puis donc, la chanteuse Ingrid Gerdes qui chante ici, on est dans, c'est un phénomène de concert, je veux dire, comme on jouerait des musiques de films, on joue des musiques de vidéos et c'est très bien arrangé, comme vous avez entendu. On était à Boston le 7 octobre 2012. On va maintenant se poser la question avec vous, Jean-Valdo Galland. On a vu avec nos invités comment on travaillait dans plutôt des petites équipes avec un compositeur, une petite équipe de développeurs. Vous, au sein de la avec la structure au sein de laquelle vous travaillez, qui s'appelle Zicali, qui, on le disait, est à la fois à Lausanne avec vous et aussi à Annecy avec vos trois collaborateurs, vos trois associés. Vous avez écrit, produit la bande son d'un gros jeu pour un gros éditeur qui est donc Ubisoft. Le jeu s'appelle Steep et vous met dans toutes sortes de situations liées au sport de glisse et spécialement au sport d'hiver. Comment est-ce que on se retrouve à écrire la musique d'une aussi grosse production? Alors c'est souvent un hasard, je pense. Mêlé à un peu de chance. C'est vrai que quand on a commencé, quand on a fondé Zicali, on n'imaginait pas, je pense, qu'on arriverait ici aujourd'hui. Je vais raconter l'histoire parce qu'elle est rigolote. On a vu qu'il postait un concours pour postuler pour la BO de Steep. Et on s'est dit, ouais, ça c'est pas possible, il y aura tous les Nobuo Uematsu, on va jamais passer, c'est mort, on n'est pas dans le milieu, c'est fini. Et il fallait fournir des minutes de musique? On avait 3 ou 4 minutes de pitch, qui représente un peu l'intégralité de la BO, l'univers sonore et quelque chose qui puisse parcourir toute la diversité de la BO, en fait. Donc du travail gratuit, sans non, c'était aucun payé. Espoir. Okay. C'était ah. payé. Donc, on avait assez peu confiance au départ et puis on a lu tout le brief et dans le brief il y avait plein de notes d'intention avec plein d'exemples musicaux. Il y avait par exemple du Sigur Rós, il y avait du God is an Astronaut, il y avait beaucoup de post-rock et pas mal d'autres musiques. Et au milieu il y avait une musique à nous, ce qui nous a beaucoup surpris, qui nous a beaucoup fait plaisir évidemment aussi. Et ce qui nous a donné confiance et ce qui nous a donné envie de dire bon maintenant on y fait, on essaye et puis on verra comment ça se passe. Et voilà, et c'est comme ça qu'on a eu le job. Et vous leur avez dit, écoutez, voilà notre proposition. Et rappelez-vous quand même qu'on était un des exemples cités ou vous avez essayé de, vous avez pensé que votre musique parlerait pour vous? Je pense qu'ils s'en rappelaient. Je pense qu'ils s'en rappelaient. Non, on n'a pas spécialement spécifié ça, mais on a très bien détaillé nos envies de, par rapport à la BO, notre idée de direction artistique derrière la musique. Qu'est-ce qu'on attendait? Qu'est-ce qu'on voulait faire, en fait? Parce qu'en est-ce que, en quelques mots, vous pouvez, décrire, je sais pas, ou deux adjectifs. Donc, jeu de ski et d'autres sports d'hiver. Alors justement, ce qu'on entend de base, basiquement dans un jeu de ski, c'est quoi? C'est on veut entendre la grosse musique qui tape, du dub, un truc qui, quand on balance un kick, ça, voilà, il y a de la grosse musique derrière. Et nous, on a essayé de prendre un parti un peu différent, de dire on veut personnifier la montagne. On veut rendre à la montagne quelque chose de noble, quelque chose de poétique en fait, et d'avoir un petit peu ces deux aspects-là, parce qu'il fallait évidemment répondre à la demande. Bon, c'est une idée qui était déjà présente dans leur direction, puisqu'il y avait du Sigur Rós, il y avait des choses très planantes. Et nous, on a décidé d'accentuer ça à fond, et puis évidemment de faire quand même un peu de rock, puisqu'il faut répondre au public cible, puisqu'il faut qu'il y ait, voilà. Et ensuite, est-ce que, pour vous, il y a eu beaucoup d'allers-retours entre les propositions que vous faisiez? Est-ce que le studio demandait? Alors oui, il y a eu énormément de retours. C'est un travail qui nous a pris un an. Donc il y a eu des allers-retours presque tous les mois sur des choses. On était bien coachés. L'ingénieur son avec qui on travaillait, François Dumas, savait exactement où il voulait aller aussi. Donc c'était un échange assez ouvert. On pouvait proposer. On avait beaucoup de liberté, mais on était assez bien guidés aussi. Un extrait tout de suite. Ça s'appelle Mountain is Calling. Peut-être pas le morceau le plus atmosphérique finalement de cette bande son de ce type. Peut-être que voilà, moi qui ai choisi dans les échantillons que vous m'avez fournis, j'avais une âme de joueur de jeu de ski classique, Jean Valdo Galland. Donc une composition de vous et votre groupe Zicali pour ce jeu Steep de Ubisoft. Une question que je me posais, c'est si vous aviez, enfin vous avez aussi participé à la définition de l'environnement sonore du jeu ou pas. Est-ce que vous êtes allé enregistrer des bruits de lattes qui crissent? Alors non, ça c'était pas notre travail. C'était justement le travail de François Dumas qui a fait entièrement ça avec un assistant à lui. Et nous, on avait que l'aspect sonore. On a proposé quelques samples d'instruments ou juste des sons comme ça qui pourraient lui intégrer au menu ou choses comme ça, mais c'est pas nous qui avons fait ce travail. Et puis, de la même manière, est-ce que cette partition évolue suivant l'action du joueur, comme on en discutait tout à l'heure? Alors, de manière assez similaire à ce que Dario a dit, on a quatre couches qui évolue avec le score du joueur. C'est-à-dire plus le score fait des figures, plus la musique évolue. Et puis plus on a le droit d'avoir des guitares. C'est ça. Et si on tombe, bah on se retrouve en step 1 et puis on a rien. Et puis voilà. Donc le post-rock, c'est quand on va pas très loin en ski. Pour finir. On peut dire ça. Ou si on veut pas entendre quelque chose. Ou si on est tranquille sur la montagne. Ouais. Merci à tous pour ces éclairages sur la musique de jeux vidéo. Qui voilà, on l'a vu et. Un médium qui donne à réfléchir et qui a ses propres contraintes et on l'entendait, ses propres réussites. Moi, ce qui reste quand même, c'est ce fort potentiel d'évocation. Chez vous, derrière votre poste, il n'y avait pas une seule image et pourtant, entre le James Bond de tout à l'heure, les instruments un petit peu aquatiques de Oniri Island, il me semble que c'est de la musique qui donne beaucoup à voir. Merci donc, Jean Valdo Galland. Merci. Marion Bareil. Merci. Dont le jeu Oniri Island a bouclé son financement, mais est toujours commandable. Il suffit juste. Il est en précommande et on sort le jeu en novembre. Voilà. Et merci, Dario Galizia. C'était un plaisir. Merci, Ivor, d'avoir joué avec moi. Oui, je vais aller m'acheter ma première console, je crois. Autour de cette thématique. Sage décision.